Chapitre 24e, IMV. La dépêche laconique adressée par Carlyle à Lord Mount Severn fut pour ce dernier une véritable énigme. On lui demandait de se rendre en toute hâte à Eastline. Il ne perdit pas un moment. Le lendemain matin, de bonne heure, il arrivait à la station du chemin de fer. Carlyle, se doutant qu'il viendrait par ce train, était là à l'attendre dans une voiture fermée. Ce fut pendant le trajet de la gare au domaine d'Eastline que Carlyle fit au comte l'étrange révélation. Lord Mount Severn, il est facile de le comprendre, eut peine à en croire ses oreilles, et dans l'extrême ébahissement où le plongeait cette nouvelle, il se demandait, à part lui, si l'avoué n'avait pas la tête quelque peu dérangée. « Mais enfin, s'écria le noble lord, j'ai peine à saisir le sens de cette histoire. Comment est-elle revenue? Pourquoi est-elle revenue ?» Carlyle dut entrer dans de nouvelles explications. Le comte finit par comprendre. Quel fait étrange, quel acte insensé. Mais comment as-tu pu rester si longtemps chez vous sans se trahir? Je l'ignore. Plus d'une fois, j'avais été frappé de la ressemblance qui existait entre Madame Vine et ma première femme. Mais pouvais-je soupçonner la vérité? C'était une ressemblance, si vous le voulez, et cela n'en était pas une. Tous ses traits étaient changés et défigurés. Quant à ses yeux, je ne pouvais guère les voir à travers les lunettes qu'elle portait constamment. Le comte, tirant un mouchoir de sa poche, le promena plusieurs reprises sur son front. Cette singulière nouvelle qu'on lui apprenait si subitement le faisait frissonner de la tête aux pieds. « Voulez-vous la voir ?» demanda Carlyle, la voix basse, alors que tous deux venaient d'entrer dans la maison. « Oui. » Ils montèrent silencieusement l'escalier et pénétrèrent l'un et l'autre dans la chambre mortuaire. Mademoiselle Carlyle, assistée de Joyce, avait tout arrangé et fait à la morte sa dernière toilette. Isabelle était là, étendue sur le lit, la tête coiffée d'un simple bonnet de tulle blanc, dont les brides descendaient le long de ses joues caves au teint cadavéreux. Sa physionomie maintenant n'exprimait plus que la paix, le repos. Lord Mount Severn se pencha vers le corps inanimé et demeura quelques instants silencieux et rêveur, comme s'il cherchait à recueillir ses souvenirs. « De quoi est-elle morte ? » fit-il tout à coup. « De chagrin, de remords. »« Oui, oui, » soupira le comte, « cela n'est pas étonnant. Pauvre femme, pauvre Isabelle » ajouta-t-il en serrant dans ses mains la main glacée de la morte. « Tenez, Carlyle, voyez donc, elle porte encore au doigt l'anneau de ses fiançailles. »« C'est vrai, » murmura l'avoué d'une voix douloureuse. « Dire qu'elle ne s'en est jamais séparée !» poursuivit Lord Mount Severn en laissant retomber sous les draps la main de la morte. « Allons, Carlyle, retirons-nous. Tout ceci est navrant. » Et, se disant, le noble père sortit de la chambre. Carlyle, debout au chevet du lit, contempla quelques instants encore ce visage qu'autrefois il avait tant aimé. Quelles furent les pensées qui s'agitèrent alors dans son cœur, nul ne le sait. Enfin, détachant brusquement ses regards du cadavre, il rejoignit le comte qui l'attendait à la porte. Tous deux, sans se parler, arrivèrent dans la salle à manger. Mademoiselle Carlyle, assise auprès de la table, les attendait avec impatience. « Ah ça !» fit le comte en s'adressant à elle. « Où étaient donc vos yeux ?»« Là, où étaient les vôtres ?» répliqua vertement l'aimable Cornélie, qui n'aimait pas à être apostrophée de la sorte. « Vous avez rencontré Madame Vine ici » ajouta-t-elle. « Vous l'avez vue comme nous ?»« C'est vrai !» « Mais pas aussi souvent, » observa Lord Mount Severn. « D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de la voir sans son chapeau. Que Carlyle, lui, ne l'ait pas reconnue, c'est là surtout ce que j'ai peine à m'expliquer. »« Et cependant, il n'y a pas à nier le fait, » riposta Mademoiselle Carlyle. « Elle était jeune, quand elle nous a quittés. Elle était joyeuse et alerte. Elle avait une chevelure noire et abondante qui flottait sur son cou. Elle avait les joues roses et fraîches. Enfin, elle était belle d'une beauté ravissante. Madame Vine, au contraire, est arrivée ici avec un visage pâle et flétri. Elle boitait d'une jambe, son dos était voûté, ce qui la rendait plus petite que Lady Isabelle, et puis elle se défigurait encore par son ajustement. Impossible de voir sa taille, elle portait un zouave. Son front se dérobait sous un large bandeau de velours gris, et d'énormes besicles au vert bleu lui masquaient les yeux et les tempes. De plus, elle avait perdu ses dents de devant, et une large cicatrice modifiait entièrement le caractère de sa bouche. Enfin, ajouta Mademoiselle Carlyle, elle ne ressemblait pas plus à Lady Isabelle que je ne ressemble à Adam. Veuillez prier un de vos amis, my lord, de se précipiter sur les rails d'un chemin de fer, tandis que la locomotive jette feu et flamme. Veuillez l'inviter ensuite à se déguiser comme l'a fait ici Lady Isabelle, et vous viendrez me dire alors si vous le reconnaissez. Non, ajouta Carlyle, la ressemblance n'était pas assez frappante pour éveiller nos soupçons, mais le déguisement, je crois, aurait dû exciter davantage notre attention. Mais elle avait bien pris ses mesures, interjeta Cornélie. Dès son arrivée ici, elle avait eu soin d'expliquer son étrange costume en nous faisant croire qu'elle était sujette à des névralgies qui l'obligeaient à s'emmitoufler ainsi la tête et la figure. Il faut aussi vous rappeler, my lord, que quelles qu'aient été nos idées touchant la ressemblance de Madame Vine, personne ici n'eût osé en parler ouvertement. Jamais nous ne prononcions le nom de Lady Isabelle. « c'est juste, » répliqua le comte. Madame Vine, l'institutrice, étant morte à Eastline, Carlyle ne pouvait faire autrement que de suivre le convoi. Telle fut du moins l'opinion des commères de Westline. L'enterrement eut lieu le samedi suivant. Ce fut un enterrement d'une simplicité extrême, mais convenable cependant. Un corbillard et deux voitures de deuil, voilà tout. Lord Mountsevant put, lui aussi, sans éveiller de soupçons, accompagner Lady Isabelle jusqu'au cimetière. On savait, à Westline, que le noble comte était en visite chez Carlyle. Après avoir rendu les derniers devoirs à l'infortunée créature, Lord Mountsevant, tout en retournant à Eastline, se mit à discuter avec l'avoué l'inscription qu'il conviendrait de graver sur la tombe. « Je suis d'avis, dit-il, que l'on mette simplement ces deux lettres, IV, puis la date et l'année du décès, rien de plus. »« IMV, observa Carlyle, c'est entendu. » Cette conversation fut brusquement interrompue par le cabillon des cloches d'une église située non loin de celle de Saint-Jude. Le comte, tout surpris, s'arrêta et prêta l'oreille. « Que signifient ces cloches ? » s'écria-t-il. « Un mariage, » répliqua l'avoué. Et c'était en effet un mariage, celui d'Affiel et John, qui, entouré de six demoiselles d'honneur, recevait, avec Joy Giffin, la bénédiction nuptiale. Dans l'après-midi de ce même jour, le comte quitta Eastline et peu après arriva Barbara. Carlyle avait cru devoir lui écrire une lettre pour lui annoncer la mort si soudaine de l'institutrice et pour la prévenir en même temps qu'il lui serait impossible d'aller la voir samedi, comme il s'était promis de le faire. « Après les nouvelles que j'ai reçues de vous, s'écria-t-elle en s'adressant à son mari, j'ai cru devoir revenir sur le champ. Madame Vine est morte bien subitement. Oui, bien subitement. » soupira-t-il avec mélancolie et d'un air rêveur. « Qu'avez-vous donc, Archibald ? Êtes-vous indisposé ? » ajouta-t-elle vivement en remarquant la pâleur de son visage et l'anxiété de son regard. « J'ai une confidence à vous faire, Barbara, » répliqua-t-il en serrant dans les siennes l'une des mains de la jeune femme. « Mercredi soir, tandis que j'étais à dîner, Joyce est venue m'apprendre que Madame Vine se mourait. J'ai pensé qu'il ne serait que convenable d'aller la voir. « Vous aviez raison, » poursuivit Barbara. Je me suis donc rendu dans sa chambre, je me suis approché du lit. Barbara, la personne qui était là, étendue sur la couche mortuaire, ce n'était pas Madame Vine. Comment ? Que voulez-vous dire ? C'était ma première femme, c'était Isabelle Vane. Il est des douleurs qui ne peuvent se traduire qu'avec des sanglots. Et la voix de Barbara se brisa sans pouvoir articuler une seule parole. Son visage, après s'être empourpré d'une rougeur subite, était redevenu excessivement pâle. Un tremblement convulsif agitait tous ses membres, et instinctivement, elle recula de quelques pas et comme épouvantée. Elle ne pouvait rester plus longtemps éloignée de ses enfants, reprit Carlyle, et elle a profité de ce qu'elle était vieillie par les souffrances et défigurée par l'accident survenu en chemin de fer pour revenir ici. D'ailleurs, son déguisement contribuait également à la rendre méconnaissable. Barbara, les yeux baissés, semblait en proie à mille tortures du cœur. Une pensée pénible absorbait maintenant son esprit. Cette pensée, celle de bigamie, c'était la même qui tout d'abord avait un moment porté le trouble dans l'âme de Carlyle. Vous ignoriez ceci ? Vous ne l'aviez jamais soupçonné ? Murmura-t-elle avec effort. Barbara, comment pouvez-vous m'adresser une pareille question ? Oh ! S'écria la jeune femme avec désespoir. Oubliez ce que j'ai dit, je perds la tête. Il s'approcha d'elle et l'attirant à lui, il la pressa amoureusement dans ses bras. « J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous révéler toute la vérité, » dit-il. « Maintenant, tâchons d'oublier cette lugubre histoire. Faites tout en votre pouvoir pour me la faire oublier, Barbara. »« Oui, oui, Archibald, j'en fais le serment. Je m'efforcerai par mon amour et par mon dévouement de chasser loin de vous toute pensée qui pourrait vous en rappeler le souvenir. »« Archibald, » ajouta-t-elle en se penchant sur son épaule, je n'ai peut-être pas jusqu'alors rempli tous mes devoirs envers vos enfants. Je ne les ai peut-être pas aimés autant que j'aurais dû le faire. Mais je tâcherai de réparer ma faute. Merci, Barbara, merci. Tout vient à point à qui sait attendre, à qui sait vouloir. Le bonheur ici-bas n'existe que dans l'anéantissement de nos passions, dans l'extinction de nos mauvais penchants et dans l'accomplissement de nos devoirs envers Dieu. Ainsi s'achève Lady Isabel par Mrs. Henry Wood.